oui chérie. Vini voyez. Oui chérie. Vini voir maman. Oui chérie. Quand t'as soué, ma kilou. Oui chérie. Tout ça deal. Ah oui chérie. Oui. Jodi fi fait oui. Mariage vient à fait. L'aime tout ça. Moon. Automobile même c'est pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom bourrette cabrette camion basquine oui oui pendant nos abdés filés on vient de chita derrière la vie était à gauche à droite tout le monde s'est pas que vous gardez l'aile qui vient la rallye réception en fait de moment il y a des bouchons champagne madame a galé vu le sautil pour galérer à bouler. Alors pas fait voisin, nous sommes côté à Weli. Alors pour les voisins, non. Alors les gris est tout douette, lui. Pas voisin, voisin, d'accord. Oh, voisin, où qu'on est. Et puis nous sommes l'autre défaut encore. C'est filé à filé, où vous allez, où. Et pourtant, nous sommes comme un défi, non. Nous sommes comme un défi, non. Petit. Mais pour un film, pour tout bagage, ça y est, il faut cramper. Sous des orteils, où vous arrivez, mon côté, gars. J'ai dit, fait, oui. Trois mois pas passé, discussion. Mais tu vois, pour ça, déclaté. Mais là, j'ai fini qui déclaté. La jaune. Oui. Maman, fille, habite pas le web, monsieur. Papa, fille, pas le web. Seul, pas le web. Fouel, pas le web. Même chez notre académie, c'est jamais qu'elle saute. Oui, ils vont l'enlever. Oui. Affaires au clou, même, c'est chaque 5 minutes. La main m'a l'air à souffler. Oui, oui. Zoclo devant, Zoclo sous côté, Zoclo derrière, Zoclo les moulins, Zoclo les moules pas là. Avant de marier, faut le préparer. Faut travailler pas faire parer ce pour après, tout ça vivre. Monsieur n'a pas ça comme exemple. Avant de marier, faut le préparer. Faut travailler pas faire parer ce pour après.